Hello. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'appelle parce que j'avais vu l'annonce. Oui. Concernant le massage chinois du côlon. Massage chinois et l'irrigation du côlon. Voilà. Bah, c'était pour avoir un tout petit peu plus de détails. Oui. Alors, l'irrigation du côlon, si vous voulez, c'est le principe du lavement. On place une canule qui a double effet, celle de recevoir de l'eau et celle d'évacuer sans bouger de la table. Donc, une canule à un tuyau, en fait. Deux tuyaux. Ah, deux dans le... Deux tuyaux. Deux tuyaux. Le tuyau qui arrive... De l'eau pure, qui est ou chaude ou froide, on alterne. Hein. Ah, vous mettez de l'eau froide? On met également de l'eau froide, oui. Oh là. Ça se fait, on fait du chaud et du froid. Enfin, quand on dit du froid. Ah oui, parce que... Du froid, c'est pas du zéro, c'est une température plus basse. C'est pour faire bouger un peu l'intérieur du gros intestin. Ça ne fait pas mal. Non. Les seules douleurs qu'on peut rencontrer, c'est une douleur équivalente quand on a envie d'aller aux toilettes, quoi. Petite inquiétude sur la taille du tuyau. Non. Que vous entrez quand même. De toute façon, on ne peut pas rentrer plus loin qu'on ne peut. Non, c'est surtout le diamètre du tuyau qui me fait peur. C'est pas un tuyau d'arrosage au niveau taille. Si, quand même, c'est que ça. Extérieurement, ça peut grosso modo être ça. Ah, quand même, oui. Ah oui, quand même. Donc, il n'y a pas au niveau hygiène. Je pose toutes les questions d'un coup, comme ça, je suis tranquille. Hein. Hygiène. Au niveau hygiène, c'est nickel parce que quand même. Ce sont des kits jetables. On ne fait plus. Ah, d'accord. Et puis d'autre part, la machine qui envoie l'eau et systématiquement désinfecter après chaque irrigation. Ah très bien, non, parce qu'on sait jamais si quelqu'un est venu avant, que ça a été au moins changé. Oui, c'est un minimum. Oui, voilà. Bon, et vous me dites 1h30 donc. Pour compter 1h30 de votre temps, voilà. Comme ça, si vous venez pour être plus court, ça sera difficile. Et on peut prendre rendez-vous quand alors? Quand vous voulez, la veille pour le lendemain, c'est bien. Le plus urgent là, ce serait que demain par exemple. Mardi, éventuellement jeudi ou vendredi. Ah non. Ça tiendra pas là. Quelle heure vous auriez voulu venir? Pas le matin, parce que ça, le matin, je veux pas. C'est, vous me dites la taille du truc, je sens pas. L'après-midi, le temps que je me prépare bien dans la tête. En début d'après-midi? Oh oui, c'est pas mal, oui. Au début d'après-midi, c'est bien. Alors, attendez. 12h30. Est-ce que 14h30, ça pourrait aller? 14h30, écoutez, je le note, bougez pas. Je note 14h30. Oui. Voilà. C'est bon? C'est très bien. Écoutez, j'espère que vous m'avez entendu parce que vous êtes un portable, donc ça fait du bruit des fois. Oui. Il y a des interférences. Donc. Et puis chez vous devez avoir des travaux là, non? Oui, ça vous. Bah, oh, oui, ça, on peut appeler ça, oui. Ok. À bientôt, monsieur. Au revoir. Ouf, au revoir. Bonne journée. Sylvain, tu peux sortir s'il te plaît, on n'a plus besoin de bruit. Merci.